Chapitre 6e. Le mari et l'amant. Lorsqu'Alfred Chazel eut dit à Hélène le bonsoir habituel et qu'il fut resté seul, il se prit à souffrir avec une intensité dont lui-même ne se serait jamais cru capable. Il n'y avait plus à discuter le fait maintenant. Sa femme lui avait menti. Cette seule évidence le terrassait. Il l'entendait dire de cette voix dont il connaissait les moindres inflexions « Comment vous portez-vous depuis hier ?» Ces trois syllabes résonnaient dans son oreille et jusqu'au fond de son cœur implacablement. Il venait de perdre, pour ne la retrouver jamais, plus jamais, la foi entière dans cette voix douce, dans ses yeux aimés. Il n'y a pas de petites insincérités, et qui a menti une fois peut mentir toujours. La vision de cette loi de nature, cette même vision qui avait empêché Armand de croire à Hélène, torturait Alfred à cette minute. Menteuse, menteuse. Quand il en arrivait à se prononcer ce mot, il jetait un halètement de douleur, allant et venant autour de son cabinet de travail où il s'était retiré, comme il faisait souvent le soir. Sur un des murs se déployait un long tableau noirci, tout bariolé de formules d'algèbre. Entre les deux fenêtres se dressait une table en bois blanc, ménagée pour écrire debout. Une autre table basse, destinée à la correspondance, une bibliothèque remplie de hauts volumes de mathématiques, les portraits gravés de Lagrange, de Fresnel, de Cauchy et de Laplace, un divan de cuir et un tapis achevaient le mobilier de cette pièce, dont l'abstrait, le paisible aspect, offrait un contraste étrange avec le visage bouleversé de celui qui s'y promenait à ce moment. Et ce contraste symbolisait trop bien le drame qui se jouait dans l'existence de cet homme, né pour l'étude, les longues, les lentes réflexions, le travail heureux, et contraint d'agir par la soudaine révélation qu'il venait de subir. Oui, la nécessité d'agir était là, inévitable. Demeurer sur le soupçon qu'il assassinait à cette heure, il ne le pouvait pas, ni moralement, sans perdre sa propre estime, ni physiquement, cela lui faisait trop de mal. Comme il relevait sa tête par un mouvement désespéré, ses yeux rencontrèrent le tableau. Il aperçut les signes de ses calculs, tracés à la craie avec cette égalité absolue des lettres, cette absence de plein et de délié, qui donnait à son écriture une physionomie d'incomparable lucidité. Cette vue subite changea le cours de sa douleur. « Raisonnons, » dit-il, à haute voix, et involontairement il retrouva, pour les mettre au service de sa passion, toutes les habitudes de méthode contractées par son esprit. « Oui, » reprit-il, « raisonnons. » Il s'assit au coin de son feu dans un fauteuil, et le front appuyé sur ses mains, il assembla toutes ses idées, qui ne tardèrent pas à prendre la forme du dilemme suivant. De deux choses l'une, ou bien cette promenade et ce mensonge s'expliquent par un petit motif innocent, visite de charité, hasard d'une rencontre, et ils ne m'en ont point parlé, par une fausse crainte de me déplaire, ou bien cette promenade et ce mensonge signifient qu'il y a un mystère entre Hélène et Armand, disons le mot, qu'ils s'aiment. Il n'y a pas moyen de sortir de cette alternative. Dans le premier cas, j'aurais à gronder Hélène de me croire si enfantinement jaloux. Dans le second cas, ici son imagination s'arrêtait, prise au dépourvu. Il n'avait en lui aucune prévision anticipée d'une telle sorte de malheur. Les règles pratiques reçues et acceptées dans sa jeunesse, et sur lesquelles était fondée toute sa vie, ne répondaient pas à cette cruelle hypothèse. D'autre part, il n'avait, pour déterminer sa volonté, ni la crainte de l'opinion qui sert de guide à presque tous les maris en une semblable crise, ni le sursaut de l'image physique, cette obsédante, cette intolérable image qui affole un jaloux en lui montrant l'union des sexes, l'abandon de la chair, l'ineffaçable souillure. Qu'Hélène et Armand s'aimassent, cela ne signifiait pas une seule minute pour Chazel qu'elle fût la maîtresse du jeune homme. Cela signifiait qu'elle lui avait donné son cœur. Mais alors, quel était son devoir à lui, le mari? À défaut de principes adoptés par avance, il se laissa entraîner à la manie des théories absolues et idéales propres aux mathématiciens. « Mon devoir, si je deviens un obstacle à son bonheur, est de me sacrifier. Il faudra la laisser libre, tout quitter. » Il pensa aussitôt à son fils. Il vit les gestes menus, le joli visage, les yeux clairs de cet enfant qu'il avait déjà façonné à sa ressemblance. « Ah ! Se disait-il, je n'ai pas le droit de l'abandonner. Mais le prendre avec moi, le priver de sa mère? Le tragique de cette possibilité désorienta de nouveau son esprit, et pareil à un nageur peureux qui s'est aventuré trop loin de quelques brasses, il revint bien vite à la place où il avait pied, là où son raisonnement posait tout près des faits. « Je perds la tête, » gémit-il. « La question est celle-ci, l'aime-t-elle, ne l'aime-t-elle pas ?» Il s'est élevé de nouveau, et il marchait d'un pas plus précipité qu'auparavant. Comment savoir? Comment? Se demandait-il, et l'émotion de l'incertitude lui devint insupportable à un tel degré qu'il se dit « Finissons-en. Je vais avoir une explication avec Hélène. Et tout de suite. » Il regarda la pendule qui marquait minuit. Il était dans cette agonie depuis une heure. Il sortit de son cabinet, la lampe à la main. L'étroit escalier de bois, que garnissait un tapis rouge, était vide et de bruit et de lumière. Tous les domestiques étaient couchés. Il descendit les marches de cet escalier en s'appuyant à la rampe, les jambes tremblantes, la bouche sèche, la gorge serrée. Il était devant la porte de la chambre de sa femme. Il frappa deux coups légers du revers de sa main, pas de réponse. Il fit tourner la poignée de cuivre et appuya. La porte était fermée à double tour et la clé mise en dedans. « Elle dort, » se dit-il. L'action de descendre les marches de l'escalier, puis de peser sur la porte, avait usé le mouvement de fièvre produit par l'excès de l'incertitude. Au lieu de frapper à nouveau, il s'arrêta immobile. « Elle dort, » se répétait-il. « Si je la réveille, que lui dirai-je » Il se tenait debout, contre le mur, la lampe posée à terre, et il écoutait. La rumeur du Paris nocturne arrivait seule jusqu'à lui, et il songeait. Il voyait d'avance la manière dont Hélène le recevrait. Elle serait couchée dans son lit, sa natte enroulée autour de sa tête. À son cou et à ses poignets frissonnerait la dentelle de sa fine chemise de nuit. Alfred subit à cette pensée un frémissement d'émotion amoureuse qui lui rendit la timidité dont l'accablait toujours le désir de la personne de sa femme. Et il continuait à imaginer la scène. « Que lui dirai-je ? Tu m'as menti. Que répondra-t-elle ? » Il entrevit les innombrables prétextes qu'Hélène pouvait donner pour expliquer sa promenade. « Je lui demanderai, aimes-tu Armand ?» Il se sentit incapable d'articuler cette phrase, comme cela, de lui-même, le premier. D'ailleurs, à quoi cette question pouvait-elle aboutir ? Si ce n'était pas vrai qu'elle fût éprise d'Armand, il lui infligerait une peine inutile et qui aggraverait encore leur divorce intime. Si c'était vrai, mais elle ne l'avouerait pas. Elle avait bien menti tout à l'heure. Que lui coûterait un mensonge de plus ? L'irrésolution fut la plus forte. Il remonta dans son cabinet de travail sans avoir fait une nouvelle tentative. Il eut quelques minutes d'accalmie, comme il arrive après les crises aiguës. Il était 1 heure du matin. « Je vais dormir, » se dit-il. « À mon réveil, il sera temps de prendre un parti. » Comme d'ordinaire, il rangea quelques papiers, couvrit soigneusement le feu par crainte d'un incendie, et il alla se mettre au lit, presque tranquille. Mais à peine couché, l'angoisse recommença, plus torturante. L'allée du jardin des plantes étendit de nouveau sa voûte de branches nues sous laquelle Hélène et Armand passaient. « Que se disait-il ? » La voix connue prononça de nouveau les fatales syllabes. « Depuis hier, menteuse !» Et encore une fois, la nécessité d'agir s'imposa, inévitable, à cette nature toute spéculative. Ses pensées se distribuèrent encore en groupes de deux. Ou bien ils s'aiment, ou bien ils ne s'aiment pas. S'ils ne s'aiment pas, s'ils s'aiment, comment le savoir ? Par elle ? Par lui ? L'idée d'une explication avec De Kern se présenta brusquement et comme cette idée, tout en satisfaisant le besoin d'agir, reculait l'action de plusieurs heures, Alfred se mit à ramasser en esprit tous les arguments qui militaient pour elle. Cette explication ne comportait aucun des inconvénients qui devaient suivre l'entretien avec Hélène. Si Armand et elle ne s'aimaient point, tout demeurait en l'état, puisqu'elle ignorait le doute de son mari et sa démarche. S'il s'aimait, il arracherait plutôt cet aveu à la loyauté de son ami. Ce dernier, du moins, ne lui avait pas menti. Pouvait-il répondre autrement qu'il n'avait fait à la phrase d'Hélène, cette phrase si simple et si terrible pour lui, Alfred, « Comment vous portez-vous depuis hier ?» c'était défendre au jeune homme de parler que de l'accueillir par ses mots. Et puis, il y a des soupçons qu'un ami n'a pas le droit de taire à un ami. S'il apprenait, lui, Alfred, qu'Armand avait gardé à son sujet une insultante défiance sur le cœur et sans la dire, n'en serait-il pas blessé profondément? Ne considérerait-il pas un tel silence comme un affront gratuit? Eh bien, il n'infligerait pas cet affront à De Kern. Il irait à lui la main ouverte, le cœur ouvert, il lui montrerait sa peine. Cette démarche avait encore pour elle de comporter des résultats pratiques. Il pouvait demander à son ami de venir moins souvent rue de la Rochefoucauld. Il pouvait, s'il se trompait dans sa défiance, et si Armand avait reçu la confidence de la vraie cause du chagrin d'Hélène, en parler cette fois au cours de la conversation et sans indélicatesse. Durant toute cette longue nuit, il tourna et retourna ce projet qui finit par s'imposer à sa volonté. Vers le matin, il s'endormit du sommeil obscur et brisant qui suit les trop grandes déperditions de forces nerveuses. À son réveil, il se retrouva en face de sa délibération de la veille. Il prévit, s'il n'agissait pas, une journée pire que cette horrible nuit, et dès 9 heures, il sonnait à la porte d'Armand, non sans un frisson de tout son cœur, mais avec décision. Ces âmes abstraites, à qui l'action répugne tant, sont capables d'énergie, pourvu que cette énergie soit soutenue par le raisonnement, de même que les âmes passionnées puisent leur force dans l'impulsion aveugle et les âmes très sèches dans la vue claire de l'intérêt. Des jours et des jours avaient passé depuis que Chazelle n'était pas venu dans l'appartement de la rue Lincoln. Le valet de chambre qui répondit à son coup de sonnette, vieux serviteur de la famille De Kern, était le même qui venait autrefois à la pension chercher Armand afin de le conduire en vacances. Les quelques mots que cet homme prononça, en demandant des nouvelles de l'ancien camarade de son maître avec la familiarité de jadis, eurent une réelle douceur pour Alfred. Il subit un réveil de souvenirs qui fut pour lui comme l'équivalent d'une impression d'amitié. « Monsieur le baron est dans son bain, » continua le domestique, « mais si monsieur Alfred veut entrer au salon, » et il en ouvrait la porte avec empressement, « lire les journaux, » et il les tendait, et il s'agenouillait devant le feu pour y mettre une bûche nouvelle, et il demandait « Monsieur Alfred prendra le thé avec monsieur le baron ?» Ces prévenances insignifiantes attendrirent Alfred. Il y retrouva, comme rendu palpable, l'intimité où il avait vécu avec Armand. La physionomie de la pièce augmenta encore cette première impression. Il la connaissait trop bien, cette chambre. Il l'avait vue se faire année par année, et les meubles s'ajoutaient aux meubles. À chaque visite, il constatait quelques menus changements. « Tiens, c'est nouveau cela, » disait-il à son ami, qui lui expliquait le caractère commode ou rare de sa récente acquisition. Il s'approcha de la bibliothèque basse et reconnut au dos de leur reliure quelques livres qui devaient être des prix de collège. Il en retira un, et il vit la marque de l'institution Banabost, imprimée en or sur le chagrin vert. Il remit le volume en place, et la cour de la pension ressuscita devant son esprit. Que d'heures délicieuses passées à tourner dans cet étroit préau avec Armand, un Armand qui ressemblait, malgré les années, à l'Armand d'aujourd'hui. Et pour s'en convaincre, il vint contempler un profil de son ami exécuté par Bastien Lepage dans la manière fine et précise des portraits de ce maître. Du portrait, Alfred passa aux photographies éparses sur la cheminée. Les camarades, morts ou vivants, qu'elle représentait, il les avait connus lui aussi. Ah, des moindres objets de cette pièce, une voix s'échappait pour protester en faveur de l'amitié qui les unissait, De Kern et lui. Après les déchirements de sa nuit, cette atmosphère d'affection certaine agissait puissamment sur le cœur d'Alfred et lui procurait une détente. « Comme j'ai bien fait de venir, » se dit-il, en s'abandonnant sur un fauteuil et regardant le feu dont les flammes vives prenaient un éclat joyeux. « Je lui dirai tout, bien simplement. À quoi bon ruser? Et j'ai bonne confiance que tout s'expliquera. » Il en était à ce point de ses réflexions lorsqu'il sentit une main se poser sur son épaule, celle d'Armand, qui venait d'entrer. Mais l'absorption d'Alfred était trop forte pour que le bruit de la porte lui dérangeât. De Kern portait une charmante veste du matin en soie noire piquée, un pantalon clair, des petits souliers vernis, et tout autour de lui flottait l'odeur fraîche d'une eau de toilette que Chazelle reconnut soudain. Ce même arôme délicat, sa femme le répandait autour d'elle aux heures du matin quand elle se promenait dans ses roblages qui marquaient mieux la souplesse des lignes de son corps. Qu'Hélène et Armand fissent usage du même parfum, cela suffisait, avec la disposition d'âme où se trouvait Alfred, pour que l'apaisement des souvenirs d'enfance cédât de nouveau la place à cet indéfinissable, à ce vague et torturant soupçon de la veille et de toute la nuit. Il regarda son ami, mais ce dernier semblait uniquement préoccupé des préparatifs de son déjeuner. Le valet de chambre avait roulé auprès du feu une petite table mobile, disposé la théière d'argent, la tasse, les tartines de pain grillé, du beurre et du miel. « Une autre tasse pour Monsieur Chazel, » dit Armand. « Monsieur Alfred a déjà refusé, » fit le domestique. « Tu permets alors ?» reprit Armand sur un ton de gaieté. Il s'assit et versa le thé trop noir dans la tasse, puis l'eau chaude, en calculant la proportion, comme si son ami n'eût pas été là. Était-ce l'attitude d'un homme qui a un secret à cacher ?« Non, » se disait Alfred. « S'il y a un mystère entre Hélène et lui, ma visite le troublerait, il chercherait à savoir. » Puis, tout haut, « Tu n'es pas étonné de me voir si matin ?» demanda-t-il, avec cette incapacité de dissimulation propre aux personnes de très bonne foi, et qu'il ait fait, comme involontairement, prolonger au dehors et par des paroles leurs réflexions intimes. « Je suppose que tu as quelques petits services à me demander, » répondit l'autre, « et je suis tout prêt. » Puis en lui-même, « Ce pauvre Alfred est aussi par trop naïf. » S'il veut savoir pourquoi je ne suis pas étonné, c'est que je devrais l'être. M'attendre à une question de sa part, et sur quoi, sinon sur Hélène. Elle ne voulait pas me croire quand je lui affirmais qu'il devenait jaloux. Eh bien, nous mentirons de notre mieux, puisque c'est le devoir envers elle. Et il beurrait une tartine, non sans une certaine mélancolie à cause de cette nécessité de mentir, car il avait gardé la fierté de l'amour-propre qui survit si souvent à la véritable, celle des sentiments. « Oui, » reprit Alfred avec un son de voix dont la gravité révélait jusqu'à quel degré cet entretien lui tenait au cœur. « Tu es mon ami ?»« Mon ami, oui, je le crois, je le sais. » On eût dit qu'il se questionnait lui-même afin de mieux s'assurer de sa propre sincérité. Il répéta encore « Je le crois » en regardant Armand comme il n'avait jamais osé le regarder de sa vie. Ses yeux n'exprimaient plus cette timidité gauche qui faisait que dans toute discussion, Alfred se trouvait battu d'avance, même quand il avait 100 fois raison. « Et c'est parce que tu es mon ami, » continua-t-il, « que je viens à toi aujourd'hui. Armand, tu vois en moi le plus malheureux des hommes. » L'autre releva sa tête, qu'il avait baissée sous le regard de son ami, comme pour se verser encore du thé, quoique sa tasse fût plus d'à moitié pleine. Il vit bien en face l'homme loyal dont il avait fait si bon marché, en pensée, dans cette même pièce, la veille du premier rendez-vous. Chazel avait laissé tomber son lorgnon. Ses prunelles claires montraient jusqu'au fond de son âme. Il s'y lisait une souffrance affreuse et si véritable qu'elle rendait touchante et tragique cette situation qu'Armand eût jugée très ridicule à toute autre minute, celle d'un mari qui souffre du soupçon de la tromperie en présence de celui-là même qui l'a trompé. Non, c'était de la douleur humaine toute simple et nue, de cette douleur vraie qui vous prend aux entrailles, comme le cri d'un passant écrasé par une voiture au coin d'une rue. Armand sentit brusquement cette sympathie d'humanité, puis aussitôt un malaise intérieur à l'idée qu'il était, lui, la cause de cette visible douleur, et il écoutait Alfred qui continuait de parler. « Je vais te dire des choses qu'on ne dit pas, mais il faut que tu m'entendes. « Je suis très malheureux, mon ami, et pour des raisons bien vulgaires. « Ah, il n'y a rien de romanesque dans mon histoire. Cela tient en une ligne. « J'aime ma femme et ma femme ne m'aime pas. « Comment et combien je l'aime, tu ne peux pas le comprendre. « Non, pas même toi. « Je suis un timide, un gauche, je le sais, je l'ai toujours su. « Tout jeune homme, je m'étais dessiné dans mes rêves une figure idéale de femme. « Je l'appelais ma madone. « Mais c'est insensé ce que je te raconte là. « Laisse-moi dire. C'est elle qui me consolait des autres, de celle qui me traitait tout avec dédain. C'est elle que j'aimais. Quand j'ai vu Hélène, je lui ai trouvé la ressemblance de cette chimère que je n'avais jamais rencontrée. Ne souris pas. Comprends-moi un peu. Je l'épousai. Les premières années, je sentais bien qu'elle n'était pas très heureuse. Je me disais, le temps arrangera tout. Le temps n'a rien arrangé. Le martyre que ça a été pour moi de l'avoir ennuyée, lassée, triste, et de n'y rien pouvoir, non. Personne ne le saura jamais. surtout depuis que nous vivons à Paris. Je la vois qui s'abîme dans une tristesse encore plus grande. Son pauvre visage qui maigrit, ses yeux qui se creusent. Elle souffre, elle dépérit devant moi. Chaque jour un peu davantage, et je n'y peux rien, et je n'en connais pas la cause. Comprends-tu cette torture, voir une femme qu'on aime comme je l'aime s'en aller heure par heure, là, tout auprès, et ne pas même savoir pourquoi ? Il s'est élevé en prononçant ces paroles. À mesure que les phrases lui venaient, elles emportaient le plan du discours qu'il avait préparé dans le trajet de la rue de la Rochefoucauld à la rue de Lincoln. Il s'était laissé assentir tout haut. Il passa la main sur ses yeux et reprit « Je m'égare. Pourquoi est-ce que je te dis toutes ces choses ? Je suis venu te demander si tu sais ce qu'elle a. » Et il s'arrêta devant Armand qui se leva aussi. Ce dernier cherchait lui-même à deviner où tendait la sortie de son ancien camarade. Il se rendait compte que dans un entretien de ce genre, l'affaire importante est de ne rien apprendre à son interlocuteur de ce qu'il peut ignorer. À la question brusque d'Alfred, il répondit par la plus vague des formules « Mais comment le saurais-je plus que toi ?»« Armand, » fit l'autre en se rapprochant et lui mettant les mains sur les épaules. « Ne me mens pas, je peux tout entendre, je suis prêt à tout. »« Oui, si Hélène aimait quelqu'un, je m'effacerai, je m'en irai. »« Je prendrai mon fils et je la laisserai refaire sa vie. »« Un mari qui se venge ?» Que je méprise cela. Ou il n'aime pas, et de quoi se venge-t-il ? D'une blessure d'amour-propre ? Quelle misère ! Ou bien il aime, et il n'a qu'à faire le bonheur de la femme qu'il aime, au prix du sien propre. « Ah, je n'ai pas les idées du monde, réponds-moi, Armand. Est-ce qu'Hélène aime quelqu'un ?»« Je te dirai encore une fois, comment le saurais-je ? Comment ? » s'écria Chazelle en prenant le bras de son ami et le lui serrant de toutes ses forces. « Mais qui le saura, si ce n'est toi ? « Est-ce que tu me crois aveugle au point de n'avoir pas vu que tu devenais son confident le plus intime ? Si elle ne t'entretient pas d'elle, de sa vie, de ses sentiments, qu'est-ce que vous vous dites dans vos interminables causeries ? Pourquoi vous taisez-vous quand j'arrive, si vous ne parlez pas de choses que vous ne voulez pas que j'entende ? Pourquoi vous cachez-vous de moi ? » continua-t-il avec violence. « Nous nous cachons de toi, » fit Armand. « Tais-toi, » reprit Alfred en lui mettant la main sur la bouche. « Ne mens pas. Je ne peux plus supporter le mensonge. » Il me faut la vérité, quelle qu'elle soit. Je vous ai vu hier au jardin des plantes, dans la grande allée. J'y étais, je vous ai vu. Vous marchiez ensemble, et le soir elle t'a dit « Comment allez-vous depuis hier ? Vous ne vous cachez pas de moi ? Répète-le maintenant. Ah, pourquoi m'avez-vous menti tous les deux ?»« Tu as raison, » répondit Armand. « Nous aurions dû t'en parler tout de suite. Et voilà comment les choses les plus innocentes prennent des apparences de mystère. » Et tout en affectant le calme le plus absolu, il se disait « Hélène est sauvée ». Logique sur ce point avec son éternelle défiance, il convenait avec sa maîtresse à chaque rendez-vous d'une explication commune à donner en cas de surprise et à haute voix. Madame Chazelle revenait d'une visite de charité. Je l'ai rencontrée dans le jardin et nous nous sommes promenés un peu ensemble parce que le temps était beau. Elle m'a prié de ne t'en rien dire parce que tu la gronderais de s'en aller ainsi dans les quartiers perdus. Et c'était vrai qu'Alfred, demeuré en cela provincial, parlait souvent des dangers qu'une femme pouvait courir seule dans les coins écartés de Paris. « Tu as un moyen de savoir si je te mens ?» ajouta De Kern. « Prends une voiture, rentre chez toi, interroge Madame Chazelle. Je n'aurai pas le temps de la prévenir, n'est-ce pas ? Tu verras bien si elle te fait la même réponse. »« Pour qui me prends-tu ? » dit Alfred. « J'ai horreur de ces moyens d'espion. » J'ai déjà trop honte de te parler comme je fais, Armand, dit-il en s'avançant vers son ami. Donne-moi ta parole d'honneur qu'Hélène et toi, vous ne vous aimez pas. Madame Chazelle et moi, s'écria De Kern, mais je donne ma parole d'honneur qu'il n'y a jamais eu entre nous un seul mot prononcé qui ne fût de la simple, de l'honnête amitié. À mon tour, je te demanderai, pour qui me prends-tu ? Et en lui-même, avec une nausée intime de tout son orgueil, il ajoutait, quelle lâcheté une femme peut faire commettre à un homme. Alors c'est moi qui te demande pardon, reprit Alfred, car je vous ai soupçonné. Ah, je ne te fais pas injure. Je n'ai jamais cru qu'il y eût rien de mal entre vous. Non, je vous estime trop tous les deux. Mais j'ai cru qu'elle pouvait s'être prise d'un sentiment pour toi, et toi pour elle. Elle est charmante, et toi, Armand, mais tu as tout ce que je n'ai pas. Tu es beau, élégant, spirituel, et moi je n'ai que cela. Fit-il avec un geste nabré, en se frappant la poitrine à la place du cœur. « Mon Dieu, ce que j'aurais souffert si ça avait été vrai !»« pense donc. Vous perdre tous les deux, elle et toi, elle qui est toute ma vie et toi que j'ai tant aimé. Tu ne sais pas, Armand, combien je suis ton ami. Bah, laisse-moi une fois te le dire. À nos âges, ces protestations sont ridicules. Mais qu'est-ce que cela me fait, le ridicule? Avec mon père et avant Hélène, tu es, vois-tu, la personne que j'ai le plus chérie. Je suis de la race des Terre-Neuve. Il me faut quelqu'un qui me dévouait. Toute ma jeunesse, tu as été pour moi ce quelqu'un. J'aurais voulu, quand nous étions enfants, que tu eusses un sacrifice à me demander, quelque chose de bien difficile, de presque impossible à exécuter. Tu étais pour moi comme un frère plus heureux. Je ne jalousais pas toutes tes supériorités, j'en étais fier. Quand je me suis marié, tu n'as pas pu venir à Bourges. Eh bien, le croiras-tu? Mon cœur battait quand je t'ai présenté ma femme à Paris. Si elle t'avait déplu, j'aurais été tout triste. Songe à cela, mon ami, mon cher ami. Et il lui serrait les mains. Et tu m'excuseras de t'avoir dit ce que j'ai pu te dire de pénible, de blessant. Toi et elle, vous perdre, tous les deux, ah, je me serais en allé. Amour, amitié, j'aurais tout sacrifié à votre bonheur, mais j'en serais mort. Il se laissa tomber sur le fauteuil, comme épuisé par les émotions qu'il venait de subir. Son visage décomposé révélait trop l'excès de sa peine et Armand éprouvait, à regarder ce spectacle de douleur et de faiblesse, une inexprimable émotion. À force de vérité d'âme, Alfred venait de rétablir entre eux la vérité de la situation. Les maris ne font si souvent rire, comme dit le proverbe, qu'à cause de la vanité déçue qui est au fond de presque toute leur rancune, ou de la vanité triomphante qui est au fond de leur sécurité. Mais Alfred, en face d'Armand, c'était une confiance en face d'une trahison, un amour sérieux, prêt au plus tragique sacrifice, en face d'une fantaisie dépravée d'amour-propre et de sens, qui n'avait reculé devant aucun scrupule. Et Armand se taisait. L'affection et l'estime d'Alfred le souffletaient comme une main. Ah, qu'il aurait voulu dire à cet homme, « Oui, je t'ai menti, je t'ai pris ta femme. J'avais pour excuse d'ignorer combien tu l'aimais et combien tu m'aimais. Choisis maintenant la réparation qu'il te plaira d'exiger, je te l'accorderai. Finissons-en. » Oui, mais Hélène, le secret d'un adultère n'appartient pas à une seule personne. Au devoir envers Alfred s'opposait un autre devoir, d'honneur aussi, et contracté librement. Et il se taisait, tout petit garçon, devant cette honnêteté qui souffrait et pleurait devant lui. Abusé, c'est possible, naïve, c'est certain. Mais un homme qui vous confie son portefeuille et à qui vous volez les billets de banque enfermés dans une des poches est un abusé aussi, un naïf. Seulement vous êtes, vous, un voleur. Quelles que fussent les supériorités d'Armand sur Alfred, il se trouvait, par le seul fait de sa trahison et par la bonne foi de son ami, dans cet état d'humiliation intolérable à toute créature un peu haute. Ce fut une impression de quelques minutes, mais bien amère. « Ne fais pas attention à cette plainte, » reprit Alfred. « C'est la détente des nerfs. Je ne sais vraiment pas pourquoi je suis ainsi, puisque j'ai trouvé chez toi la certitude dont j'avais besoin. Ah, merci !» Et il s'élança pour embrasser son ami, comme un frère embrasse son frère. Armand sentit, sous ce baiser, le sang lui monter au visage. « Allons, » fit-il, tout confus, « calme-toi. »« Mais je suis calme, » dit Alfred. « Tu as été si bon, tu m'as écouté avec tant de cœur. »« Hélas, » ajouta-t-il douloureusement. « Pourquoi faut-il que je ne puisse pas voir avec Hélène une explication comme celle que je viens d'avoir avec toi ? Devant elle, je me sens si gêné, si comprimé. » « C'est qu'aussi, » répondit Armand, qui entrevoyait la possibilité d'éviter à sa maîtresse une scène cruelle, « tu t'exagères des riens. Veux-tu que je te dise mon opinion sur Madame Chazelle ?» Et cette opinion, tous mes entretiens avec elle l'ont confirmée. Ce dont elle souffre, c'est du changement de vie. L'air de Paris, les habitudes de Paris, les gens de Paris, tout l'énerve. Elle a besoin de grands ménagements, crois-moi, épargne-lui toute discussion, sois doux pour elle. « Tu as raison, » dit Alfred, qui se souvint d'avoir entendu presque les mêmes paroles dans la bouche du docteur, et cette coïncidence achevait de le tranquilliser momentanément. Il secoua la tête et laissa tomber ce mot dont Armand n'eut pas envie de sourire. « Je suis un égoïste, je ne vois que ma douleur. Mais Hélène a confiance en toi. Tu vois que je ne suis plus jaloux. Parle-lui de moi, dis-lui combien je l'aime, à quel point je ne veux que son bonheur. Explique-lui tout, elle te croira. Mon Dieu !» pour un passage de tendresse dans ses yeux quand elle me regarde, mais je donnerais toute ma vie.